Étrangement, je sais pas pourquoi c'est revenu. Petit problème de montage. C'est-tu possible? 2016, problème de montage. Ah oui, ben écoute, tout peut arriver. Faut pas s'en faire avec ça. Et je veux vous revenir avec le début de mon émission. Arrête donc, toi. Arrête, fais doudou. J'hésitais entre deux ouvertures à minuit d'Errance rénaldienne, celle que vous connaissez, avec Elvis Presley, et celle que j'avais moi-même concoctée. Et je vais vous la faire entendre parce que c'est pas la choisie. Ce n'est pas celle que j'ai choisie. Je sais pas pourquoi. Écoutez bien. Mais là, on écoute, mais ça joue pas. Qu'est-ce qui se passe, mon champion? Je sais pas. Ça doit être le graveur. Le problème, c'est le graveur, c'est pas le gars. Ah, c'est facile de dire ça. C'est très facile. Peu importe. C'était une chanson des White Price. Qui? Des White Price. Ah, non, OK. Oui, je sais de qui. Des White Stripes. C'est de l'anglais, ça? Ben c'est presque. C'est, comment t'appelles ça, là? C'est la compréhension anglophone mélangée avec une loi 101 qui veut pas s'adhérer. Tu sais, les deux solitudes, là, ça fait partie de ça. Pendant que je me préparais au Radioton, au pré-Radioton, excusez-moi, je me suis intéressé à une chose. Faire, un peu comme je disais tout à l'heure, un tricot entre des chanteurs afin de visiter leur style et d'entrecroiser avec une autre chanson d'un autre auteur. Alors, je m'explique, c'est parce que là, c'est très complexe. Là. Il est 2h31. Les neurones flottent actuellement dans la stratosphère et sur l'anneau de Saturne. Puis si ça débarque de l'anneau, ça va nous arriver en pleine face, là. Faut faire attention. Alors, j'ai placé trois auteurs, compositeurs, interprètes, c'est-à-dire Philippe Catherine, Bobby Lapointe et Serge Gainsbourg dans un assemblage, tiens, un tricotage de chansons. J'espère que vous allez apprécier. Ça m'a plu de faire ce genre de structure sonore-là. Donc, on se tait, puis après ça, on fera un atelier d'improvisation à la Charles Bukowski, parce que là, je sais pas pourquoi, mais la discussion a comme repris. On a entendu les oreilles, puis on revient avec les oreilles. À un moment donné, ça nous pique. Et quand ça nous pique, ben écoute, faut se gratter. Alors, grattons-nous avec Philippe Catherine, et croyez-moi ça, c'est de l'oreille, Bobby Lapointe et Serge Gainsbourg, et je reviens après ces 17 minutes de jouissance sonore. Oh, 17 minutes! Pas pire! Vraiment, il y en a tellement... Voyons, toi, qu'est-ce qui se passe? Il veut pas s'arrêter! C'est simple, mon ami, c'est parce que t'as pas changé de record. Oh, c'est une question de record! Alors, on y va avec ça, vous allez voir. Attention, ici... Et tu mets ça comme ça. Ah, ben voilà, c'est simple la vie. C'est tellement pas compliqué. Voilà! L'amalgame des trois. Enfin révélé au pré-radioton de CKRL à l'émission Errance rénaldienne qui finira à 7h ce matin dans quelques soupirs. Vas-y, on est prêt. Ils écoutent la musique avec un téléphone. Ils parlent dans la rue avec un téléphone. Ils se photographient avec un téléphone. Et même ils se dirigent avec un téléphone. Et moi j'ai plus de batterie et je sais pas où je suis. J'écoutais la musique avec mon téléphone. Je

Adams. Celui-là qui tapote, c'est un crack, c'est un pote. Lui c'est la fleur de pavot, Coco and Co. Une fois arrivée, elle ne s'était pas trompée. Je n'ai jamais vu ça, moi. Une villa comme ça. Je n'ai jamais vu ça, moi. Une fille comme ça. Et j'ai dansé, je me suis défoncé comme un rocker endiablé. Oui, mais sans arrêt, je regardais cette beauté. Elle me souriait, je n'arrivais pas à parler. Puis elle est sortie, alors là, je l'ai suivie. J'avais l'air de quoi, là? Face à une fille comme ça. J'avais l'air de quoi, là? À rougir comme ça. Intimidée, elle m'a dit je m'appelle Betsy. Elle a rigolé et les étoiles sont tombées. Je voulais m'en aller, mais elle m'en a empêché. On a trébuché et sur moi elle est tombée. Je n'ai jamais vu ça, moi. Une chance comme ça. Je n'ai jamais eu ça, moi. Une fille comme ça. L'univers acclame les grands temps. Les petits chefs ne se lasse pas de critiquer les petits travers de la caissière du super. Elle est vraiment super, la caissière, la caissière du super. Elle est vraiment super. Elle bosse, bosse pour la banque, pour les beaux yeux de la banque. Elle bosse pour la banque. Elle est vraiment super, la caissière du super. Pour le beau jeu de la banque, elle bosse. Elle bosse, bosse pour la bouffe, pour la bouffe de son gosse. Elle bosse pour la bouffe, elle est vraiment super, la caissière de super. Pour la bouffe de son gosse, elle bosse. Les caméras ne se lassent pas. Oui, okay. Hey, saviez-vous qu'aujourd'hui, le 1er avril, c'est bien sûr le Radioton. Nous sommes dans le pré-Radioton. Et comme disait, il dit encore Zachary, comme le dit Zachary. Alors, c'est le pré-Radioton. Dans quelques heures, je serrerai la main à notre animatrice du matin. Donc, je lui remettrai le micro qui, pour elle, sera un étendard pour la préparation du véritable Radioton. C'est clair, ça? Non, non, pas du tout. Mais aujourd'hui, le 1er avril, comme je le disais avant de m'interrompre moi-même, c'est la fête de mon ami Philippe Catherine. C'est fou! Quel amalgame! Et là, on y va avec l'improvisation. On y va, là. C'est le moment. Êtes-vous prêts? 2h55 le matin et 19 secondes. Là, vous venez de vous réveiller, vous m'entendez, vous voulez vous rendormir. Bah, mais dites-vous une chose. il ne pleut plus à l'extérieur. Il ne pleut plus. C'est rendu, je fais la météo, c'est assez. Il ne pleut plus. Puisque les ondes, c'est cohérélienne, ont sucé la pluie. Voyons, non, le malade. Aspirer, c'est mieux de dire aspirer que sucer. S'il y a de moins de on voit moins d'images, hein? Mais il y a 3 heures, là. Sucer, aspirer, que dis-je, que dais-je? Que de codège? À Montréal, que de codège, je connais. Ah, d'accord. Ici, et maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Et puis ça ferme. Non, je me la ferme pas, là, mais dans 5 minutes, c'est terminé les bars, là. Gaétan pleure encore. Oh non, il va m'oublier, j'espère. Non. Ils te connaissent. Ils vont aller voir dans les toilettes. C'est pas eux autres, ils viennent pas de naître de la dernière pluie, là. Ils savent très bien que tu peux les lever tes pieds dans l'aisance, là. Pas dans l'errance, mais dans les aisances, bon. Quand t'appelles ça la toilette d'aisance, le cabinet d'aisance, bon. Ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, mais je pense qu'on va lécher autre chose que la première phrase, en tout cas. Extrait de son conte de la folie ordinaire. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Là, ce que je souhaite, là, avant d'introduire, puis il va aimer ça, Philippe Catherine. J'ai le bouton collé. J'espère de faire une belle improvisation. Donc, il faut c'est une manière incantatrice. Une façon incantatoire. Ce soir, cette nuit, nous allons appeler les ondes et surtout l'aura. Pas l'aura, l'autre l'aura, là. Celle qui attire l'intelligence, quoi qu'il n'y en a pas ici, là, devant moi. Là, j'ai mis un miroir, puis c'est bien beau, là, c'est bien beau. Mais moi qui suis un vampire, je ne vois même pas mon visage. C'est ça quand t'es vampire. Et monsieur, attendez, on est directement dans le bar. Et tire la chasse. Il ne va pas à la pêche. C'est une blague. Aimez-vous ça, ces blagues-là, mon cher monsieur? Oh, encore l'interférence. Allez-y. Oh. On dirait que c'est un rasoir qui rase plus. Allez. Ouais. Êtes-vous là? Oh, ouais, monsieur, ouais. Bon, OK, vous êtes invité pour le prix Radio-Ton, vous le saviez? Vous êtes membre de CKRL? C'est pour ça que vous avez l'air heureux. Allô? Ben, OK. Là, vous vous apprêtez à vous coucher? Il me semble qu'il est énervé pour un gars qui va se coucher. Êtes-vous toujours comme ça? Vous êtes dedans. C'est bien, au moins, il y en a qui le sont. Hein, c'est rare, des hein? Bon, bravo. Alors, la phrase de la folie ordinaire de Bukowski, c'est-à-dire le conte de la folie ordinaire, c'est l'hôtel... Ah oui, ça, c'est assez... En tout cas, arrête de dire en tout cas, ça manque de vocabulaire. L'hôtel est rempli de gens comme nous. Ils boivent, ils baisent, ils ne savent pas quoi foutre. En même temps, qu'est-ce que tu veux faire dans un hôtel quand tu veux pas dormir? Quand ta télé ne prend qu'une seule chaîne parce que le cadran, non pas le cadran tic-tic-tic-tic, là, qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, pom pom, et puis qui les attend. Non, c'est l'autre cadran. Pour changer les postes. Comme c'est KRL, là, c'est un syntonisateur. La télé, là, c'est un cadran. Ça peut être ça pourrait être la même affaire. Je suis pas technicien, moi, je suis pas dans ce milieu-là, moi. Non, moi, je suis... l'oratorio, pas du tout. Orateur. L'horreur orateur. Mais là, c'est que là, quand tu veux choisir un hôtel, plutôt... Tu veux avoir une piscine, un sauna, quelque chose, des activités. Puis quand tu ouvres ta table de nuit, heureux! y a le nouveau, l'Ancien Testament. Voyons donc, qu'est-ce que ça fait là? Un curé est venu coucher ici? Qu'est-ce qu'il faisait là? Hein? Puis là, tu peux commencer à jouer au dramaturge, à jouer là, à l'écrivain, à structurer une histoire de ce que ça peut te donner de voir le Nouveau Testament dans un tiroir, dans une chambre d'hôtel minable de la ville de Québec. Comme ça que, c'est comme ça que ça vient de la création, ça vient de rien, puis en même temps de tout. C'est ton imaginaire, c'est la matière grise, quoi que moi, c'est plutôt noirâtre. Comme me disait Philippe Noiret. Comment Philippe Noiret? C'est possiblement noirâtre. Ça vient du cendrier. Où avait déposé... Où on a pu analyser, bien sûr, les mégots. Il y avait un mégot de Brigitte Fontaine, un mégot de Serge Gainsbourg, puis un mégot de mégot. Le musicien mégot. Celui qui a été... Prêt-tracherie a été... exclu des spectacles de Dinon, le petit mégot. Depuis ce temps-là, il cherche, comment t'appelles ça, ses bouts de tige de cigarette, là. Il cherche. Ah, pauvre ami. Souvent, on est pris pour un génie, puis on se fait jeter comme une poubelle. C'est triste. Que c'est triste, mégot, avec ou sans cendrier, que c'est triste, mégot, toi, qui ne fumes plus. Alors, quand tu veux analyser ce cendrier-là, et que tu te rends compte qu'il y a eu des grands de ce monde qui ont étendu, puis même Tom Waits a voulu passer par là, mais le cendrier était plein. Puis quand le cendrier est plein, puis qu'il n'y a pas d'entretien, eh bien, c'est même pas d'entretien, c'est le gars qui fait le ménage. C'est certain qu'un gars qui fait le ménage, c'est un gars d'entretien, là. Sauve-moi pas le mot, Yétan, là. Je manque de respect. Ou l'aspirateur de cendres, hein. Puis là, même à travers ces cendres-là, il y en a un, là, qui était en train de s'en allumer une autre, ça, c'est Gainsbourg. Son doigt est en train de se consumer. Il y a des cendres du doigt de Serge Gainsbourg là-dedans. Quand même merveilleux, là. Puis là, ils m'ont dit sur eBay, si t'achètes ça 350 000 piastres, mon gars, tu vas faire de l'argent, c'est historique. Là, j'ai dit, il faut faire peut-être une recherche d'ADN. Comme Yves Montand, là, tu sais, il y a des enfants, il n'est pas certain, il décreuse, il arrache le genou, il analyse, tu sais, si tu as un genou de Montand ou un genre de structure. De bicyclette. Ah, bicyclette, il y avait seulement des chambres. Et puis, Paulette, quand t'es rendu à réveiller un mort, tu creuses, puis lui, il est là. Voyons, qu'est-ce qui se passe là? Hey! Excuse-moi! Yves! C'est nous! C'est le FBI! On veut juste arracher un bout de genou pour analyser, là. Il y a un gars en haut qui dit que t'es son fils, là. Ben, c'est ton fils. Alors, Fifi, il faut vérifier. Ça te dérange pas, on va juste ouvrir légèrement le sarcophage. Il pleut, en plus, ça n'a pas de bon sens. Ça va comme humecter la cendre, puis on pourra pas lire. Il va falloir sécher le cadavre. Mais il reste plus grand-chose. Allô? Ouvre! Ben, si t'ouvres pas, on va te défoncer, nous autres! Ouvre! Voyons donc! T'es pas capable de bouger! Y'a pas de vie là-dedans! Quand tu dis qu'il y a pas de vie dans un cercueil, c'est fou, là! Je t'avais dit d'acheter le tombeau de ses KRL, c'est-à-dire que t'aurais écouté de la musique puis des entretiens, Ad Vitam Popperman! Là, c'est pas le cas, là! Tu penses qu'il y a pas de. Y'a rien? T'as pas de cellulaire, on va t'appeler! C'est vrai, dans ce temps-là, c'était plus de même, hein? Ouais, pagette! T'as pas le pagette! Ça existait-tu des pagettes? Même pas le pagette. Voyons donc, y'a rien! Y'a peut-être un écouteur, là, tu sais, y'a peut-être un problème de sonorité. M'entendez-vous? Il m'entend pas. On va le laisser tranquille, je pense bien. Ouais, mais lui, il veut de l'argent, là, son fils, là. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, je me berce. On dirait que je suis en train de jouer après mon dentier, mais non, c'est les roulettes. Puis là, il y a une mouche. Il y a une mouche à CKRL. Wow! Renan commence à avoir des mouches. Il est 3h05. Il voit une mouche. C'est ma première mouche de l'année.

des plus jeunes aux plus âgés, on peut presque tout changer, excepté ce qu'on ne peut pas, qu'est la vanille. À vanille et framboise sont les mamelles du destin. Davantage, davantage, avantage, davantage, lui dis-je quand elle revint avec ses seins angevins, 2 x 10. Permets donc que je lutine cette poitrine angevine. Mais elle m'a échappé, a pris du champ dans le pré, et je n'ai pas couru après. Je ne voulais pas attraper une angevine de poitrine. Moralité, avanie et mamelle sont les framboises du destin. Sans se répandre, pauvre Lola, faut savoir s'étendre sans se répandre, c'est délicat. Ne pas la surprendre, pas l'entreprendre, pauvre Lola, ne pas la surprendre, pas l'entreprendre, de but en bas. Il est des mots tendres qu'elle aime entendre, tendre Lola, oui, quelques mots tendres devraient attendrir Lolita. Ce que ça va rendre, ça va dépendre, pauvre Lola, ce que ça va rendre, ça va dépendre un peu de toi. On peut pas te prendre, tu dois t'en rendre compte, Lola. On peut pas te prendre jusqu'au calende grec, Lola. La fille, la jeune demoiselle qui riait, c'est France Gall. Et l'homme qui chantait, c'est Serge. Et imaginez-vous, Madame Tremblay, on m'a enduit en erreur. Une couche, là, épouvantablement gênante d'horreur et d'erreur. Philippe Catherine, c'est pas sa fête aujourd'hui. Merci à Fifi Churchill qui nous écoute de là-bas, qui m'a envoyé un texto, un SMS. En me disant, t'as tout faux, mon coco! C'est le 8! Le 8 quand? Le 8 qui? Attendez, le 8! Le 8 décembre! Attendez! Fifi Churchill! Dis-moi ce qui ne va pas! Le 8 décembre! 1968! L'animal est plus jeune que moi. Non, la belle chanson, là. La belle chanson, cette belle une chanson, ça joue à l'unisson une chanson, sans musique et sans mots la chanson. Oui? Ouais, OK. Et imaginez-vous, arrêtez donc de vous imaginer, c'est fini. Il n'y a plus d'imagination. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Reynaldienne, c'est l'émission la plus Reynaldienne. Pas Reynaldine. La fille de mon ancienne blonde m'appelait Reynaldine. Reynaldine en 5 temps. Oui, d'accord. Oh là là. Alors, comme le mentionnait Jim Morrison, ça danse sur la rue, sur la 3e avenue, à 3h25 et 30 secondes. Je viens de voir un piéton qui dansait. Vous dansiez, ne vous déplaise! On sort le temps de... je dirais pas de quel endroit. Mais marchez maintenant! Puis vous êtes chanceux, mon cher, ce n'est pas sous la pluie. C'est peut-être sous, mais pas de pluie en vue. Eh bon, comprends-tu, Jean-Chef, comprends-tu? Appelle-la donc. Elle devait venir nous rencontrer à 3h, puis elle n'est pas là. Appelle-moi, Georgette. Fais le 4-1-8, l'insignifiant. C'est plus des numéros directs, là. C'est pas 6-2-3 quelque chose. Il faut faire le 4-1-8. Voilà. Georgette? Rien de long. Oh! Je pense qu'on la dérange pas. Georgette? Rien de long. Oui, est-ce qu'on vous dérange? Oui. Oh! Vous deviez pas passer à CKRL? Oui. Pour le pré-radio-temps? Oui. Vous êtes endormi? Oui. Oh! Puis là, vous n'êtes pas en mesure de... Oui. Ah, vous êtes en mesure? Moi, je vous conseille, là, si vous voulez continuer de sommeiller, prenez l'ambulance. Vous êtes couché, vous endormez. Dites-leur de ne pas partir la sirène. Ça va vous titiller le tympan, puis ça risque d'exploser, puis de saigner. Ils vont vous envoyer à l'hôpital. Mais dites, version relax, là. Décapo, prends le décapo. C'est 50 piastres de plus. Ça veut dire 175 plus 50, 100, 230 piastres. 17, 18, 19, 21. Hein? C'est un peu, là. 175. Je travaille plus, moi, là. 175 plus 50, 225 piastres. 17, 18, 19, 20, 22, 225 piastres, ils vont adorer ça. C'est leur premier voyage dans les capots. Puis là, au lieu de vous sortir par le derrière, ils vont vous envoyer par le haut. Comme ça, vous allez avoir un avant-goût du ciel. Pas pire! Puis là, c'est à moi, avec mes trois disciples, de vous attraper dans un drap. Puis on va vous amener à CKRL, on va vous amener devant le micro, puis on veut vous entendre chanter. Vous êtes préparé depuis 2 semaines. Aimeriez-vous ça? Oui. Oui. Voulez-vous que ce soit moi qui appelle l'ambulance? Oui. OK. Là, peut-être qu'elle n'est pas libre, celle que je veux que vous preniez, là. Si j'ai des problèmes techniques, je vous rappelle. OK. Là, c'est avant 7 heures parce qu'après, là, je suis plus là, moi, là. OK? Bon. Continuez à roupiller, m'en prendre des informations, on va vous rappeler. OK? Bon. Hey, d'ici là, si vous venez pas, si on a un contretemps, on aime ça, nous autres, les contretemps. En musique, là, tan, tan, tan, tan, tan, tan. C'est-tu un contretemps, ça? Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ça peut arriver aussi dans la vie, pas juste en musique. Ben, on vous souhaite, madame, un très bon radioton. Écoutez-nous de votre radio. Mettez ça, là, comme le spectacle de Jim Rimbenbrix, parce que Jamie, lui, c'était à 10 au maximum. Écoutez-nous au maximum. Bon, et puis vous allez comprendre le plus possible ce qui va se passer dans quelques heures. Oui, madame. Et d'ici ce temps, comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Reynaldienne, pas Reynaldienne, Reynaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. C'est intéressant à dire, ça, là. Alors, atelier d'improvisation, parce qu'on va en faire une impro, là. Avant d'entendre mes deux chéris chanter. Moi, j'ai deux chéris. J'ai deux chéris dans ma maison. J'allais dire dans mon étable. Voyons donc, on ne garde pas des invités dans un étable. Sauf s'ils veulent du dépaysement, ça, il n'y a pas de problème. C'est important, si on veut vivre des choses qu'on hors du commun, d'être un peu ébranlé. Fait que, oui, devant l'âne et le bœuf, on va vous souffler quelque chose, puis on va vous recréer le temps qui s'est peut-être passé à ce moment-là. Mes deux elfes C'est elf, là, dans mon vocabulaire, là, c'est très, très rare. Parce que moi, les filles, là, ah, à part mini-fées, c'est Brigitte Fontaine et Émilie Simon, un duo exoxapsalial. J'en perds mon francophone. Avez-vous le francophone bien turlute, madame? Vous êtes encore branché? Oui. Vous connaissez Émilie puis Brigitte? Oui. Bon. Sinon, on va y aller avec les... On va y aller. Pas vous chercher, là, parce qu'il faut arrêter le micro puis faire des appels. Mais restez des nôtres. Encore et encore, replaçons les pendules à l'heure, repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré, relatons la biographie d'une icône illustre du passé revisitée ici et maintenant. Puis là, c'est quand même assez complexe de dire que c'est une biographie illustre du passé, là. C'est tout simplement un homme qui se prenait pour un sandwich. Puis là, le plus important, c'est de savoir quelle sorte de sandwich. Dans ton sandwich, qu'est-ce que tu mets? T'es-tu de margarine ou si t'es beurre? T'as-tu les moyens financiers ou si t'es un tout nu? Parce que selon moi, s'il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de vie. Dans tout ce que tu fais dans la cuisine, il faut que tu en mettes du beurre. C'est ce qui donne le goût. Essaye de faire cuire ton steak dans la margarine, ça explose de partout. Tu fais... C'est un désastre total. T'es obligé d'appeler des professionnels du nettoyage. Tu as risqué ta vie des explosions qui t'arrivent en pleine figure. T'arrives chez ton psychiatre, le visage brûlé, puis il te dit qu'est-ce qui se passe. Ben, j'ai voulu manger mon steak avec la margarine. Ben oui, c'est du beurre qu'il te faut. Elle s'étale dans la poêle. Elle se fait frétiller la garnotte. Pour attendre le steak, ça pétille. C'est comme une incantation, là. Puis là, quand elle voit arriver la tranche de viande, heureuse comme un enfant dans une piscine. Ah oui, viens-t'en, mon petit, viens-t'en. Puis là, faut pas mettre le poivre et le sel directement sur la viande. Faut attendre. Faut que tu la détendes un peu, là. Tu mets l'émission du matin à ses coérelles. C'est éphémère pour le steak, parce que lui va savoir que sa vie est comptée, là. Là, elle se fait bronzer sur de la belle musique matinale. Avec Reynald au bout de la fourchette, qui la regarde, là, la tranche. Oui, cuit, mais pas trop. Moi, c'est saignant. Très saignant. Et je le dis souvent, comme disait Boris, faut que ça saigne. OK. Et si c'est de la margarine, ça sera plus ça. Donc, l'homme qui se prenait pour un sandwich, bon, c'est important. C'est important de se prendre pour quelque chose dans la vie, là. Mais il faut rester soi-même. Rénal, faut rester soi-même. Mais Rénal, reviens à nous. T'es à Québec, 1er avril, 3h33-47, 49, 51. On peut improviser ça de même jusqu'à 6h67. Imagine-toi donc, hey, tu te réveilles, ben, je suis en retard, il est 6h67. T'appelles ton taxi, 6h67. Je lui dis, bon, encore un malade, lui, là. On prend pas ça, hey, c'est le premier voyage que je vais avoir, puis ça va me troubler pour la semaine, puis pour mon année, puis ah non, moi des fous, j'en ai rencontré toute ma vie, puis 6h67, je veux rien savoir, je m'éloigne du 667. Si ça va m'arriver la même, 667, hey, il commence à halluciner sans voir le pauvre homme. Le pauvre homme qui s'est trompé, c'était 6h57, ah, pour 10 minutes de ta vie, hein, n'est rien, n'est absolument rien. Alors l'homme sandwich... On revient dans sandwich, c'est important. La vie est un grand sandwich. Quel pain? Quelle viande froide? Si viande froide il y a. Si t'es végé, quelle sorte de salade que tu vas... Tu sais, de la salade, c'est bien beau, de la salade, mais... Ça donne pas, hein? Ça donne pas de la vie à l'homme des bois. Ça donne pas le goût d'aller loin, ça, là. Mais avec Brigitte Fontaine... Émilie Simon, on dirait que ça met du piquant là, dans tes deux tranches de pain. Là. Ça te donne le goût de mordre, la bonne... Oui, le sandwich. Oh, que la vie est belle! Le matin se lève. Lève-toi le matin, lève-toi. Matin! Il est l'heure. Il est... Chevillette, je suis mort. Ah oui, il faut que j'appelle l'ambulance, oui. L'ambulance décapotable. Donne-moi le téléphone, donne-moi le téléphone. Je suis capable de signaler moi-même. Je suis pas un indépendant. De cristal, Christ et Samalis, mon amour sans rival, murmure tes délices, il prend ma taille ronde et ronronne sur elle, pour jouer je lui gronde. De vermeil s'échappant du laser emplit l'air de soleil et d'ombre passagère. Ah, que la vie est belle. Soudain elle éblouit comme un battement d'ailes. Divine immortelle, dans le mal et le bien. Rinaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Des barbes bleues et bardées de bronze, des crabelles bourrées de béton, des zombies bidons et des bonzes. Qui leur balance une plaquette à écrabouiller les boquettes. À vous briser les roubignoles, à vous faire barrer de la boussole. Pendant que tu brûles de la banquise, braconnant le bonheur sans but. Et me baignant dans quatre bises avec les punks de Pec des Pics. Baby boom boom, baby boom boom, mon père à moué. Y'en a la de ces blancs becs qui vendent que pour le bas ou pour la bagarre et le branle-bas. Baby boom boom, baby baby boom, baby baby boom boom, baby baby boom boom, baby boom. Ralbec de brouter du bitume et de barjeter dans une bagnole. Ralbec de branler de la brume et de barater des branquignoles. Pendant que les barbeaux du business qui nous bastonnent des bassesses vibrent des bourbons dans leur bique. Tu vas broyer tous ces bouchers qui se font bronzer la bonniche aux Bahamas avec ton blé. Baby,

Émilie Simon, mais on doit s'arrêter ici. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le cadre du pré-radioton, j'ai appris il y a quelques heures, 40-50 heures de ça, la mort de Jean-Pierre Coffe, un homme que j'ai rencontré il y a de cela 3 ans et que je devais revoir cette année. Nous avions pris rendez-vous, mais j'ai malheureusement appris également. Qu'est-ce que tu veux dire par là, après également? Voyons, sois sérieux. Ben oui, mais j'essaie d'alimenter un mot d'avant l'autre, mais je me dis, est-ce que le mot doit aller en avant ou en arrière? Jean-Pierre Coffe est décédé. Bon, c'est triste. Très triste. Et j'ai voulu lui rendre hommage ce matin, surtout ce matin. Là. Il est presque 4 heures, là, on peut rentrer ça dans le monde du matin. Il y a plusieurs mondes dans le monde. Et ça, c'est là la complexité de la chose. Mais dans 3 minutes, c'est le matin. J'ai décidé ça. C'est mon extravagance à moi. Mon extravagance, elle me parle aventure. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer cette être exceptionnelle et surtout de faire mon baptême. T'as fait ton baptême, mon petit quatripant? Mais voyons donc, qu'est-ce que t'as osé faire à hein, M. Jean-Pierre Coffe? Non, c'est lui qui m'a fait goûter l'andouillette. Il va nous expliquer ce que c'est que l'andouillette à la toute fin de cette rencontre, vers les 6h et moins quelques, 7h moins quart. On vous fera un panorama. Il vous fera un panorama de la France via le vin. C'est un bon vivant. Et je dois vous raconter un peu la préhistoire de cette rencontre-là. C'est que 2 semaines avant, Jean-Pierre Coffe était à l'hôpital et on l'opérait à cœur ouvert. Donc, 14 jours plus tard, on était là. On a bu 2 bouteilles de rouge. Il a terminé avec un cognac et un Monte Cristo. Est-ce que c'est Monte Carlo ou Monte Cristo? En tout cas, c'est monté quelque chose. Il a monté une flamme là-dessus, mon champion. Il m'en a offert un cigare. Je lui ai dit, oh non, merci, monsieur Coffe. Et le prix du cigare, c'est le prix d'un bon restaurant, d'un bon repas dans un grand restaurant. Jacques Dutronc fume ce genre de cigare-là. Et c'est... Il le dit ouvertement, ça en est gênant d'aborder le prix. Donc, il a gardé ça sous silence. Mais Jean-Pierre, lui, me l'a comme divulgué. C'est très cher. 150 $. Et donc, nous avons passé une très, très, très, très belle avant-midi. C'était ma première. J'arrivais, je sortais de la douane. Ils m'ont comme propulsé. Ils m'ont dit, OK, tu t'en vas. On veut rien savoir de toi. Tu t'en vas. Et j'espère que vous allez avoir autant de plaisir que moi à réentendre cette belle aventure que j'ai eue, que j'ai rencontrée avec... J'ai rencontré une belle aventure avec Jean-Pierre. Ah oui, Tania, il a écrit Jean-Pierre Coffre. Tout le monde se trompe. C'est drôle, hein? OK, on y va. Belle soirée. La poule à 4 ans, c'est le temps de l'œuf, hein? Moi, je vais te prendre ça brouillé avec sans bacon. Pis non, pas de margarine, juste du beurre. Moi qui voulais de l'aventure, qui m'ennuyais à tout prix, aujourd'hui je peux dire que je suis servi par ta lettre de rupture. J't'ai souvent dit des injures, tu m'en as fait voir aussi. Il faut faire avec, comment dire. N'empêche que là, c'est un peu dur. Il faut se dire adieu, se dire au revoir. Ça dépend des dieux, au revoir, adieu. Pas certain d'être mûr,

prenant le temps. Grange brisée, grange grise, grange brûlée, grange brisée. Dans un chemin sombre et aride, le ciel est gris comme la sottise. Je marche à la recherche du sens. Je marche et reviens sur mes quelques années, vous écrivez des livres pour que les familles puissent bien manger à peu de frais. Et ça, est-ce que ça vient de votre famille, de votre mère, qui n'avait pas beaucoup d'argent? Et,

I was toting my pack along the dusty Winnemucca road, when along came a semi with a high end canvas covered load. If you're going to Winnemucca Mac with me, you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. Of travel I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Mattawa, La Paloma, Bangor, Baltimore, Salvador, Amarillo, Tocopilla, Barranquilla, and Padilla. I'm a killer. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare, man. I breathe the mountain air, man. Travel, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Boston, Charleston, Dayton, Louisiana, Washington, Houston, Kingston, Texarkana, Monterey, Faraday, Santa Fe, Tallapoosa, Glen Rock, Black Rock, Little Rock, Oskaloosa, Tennessee, Tennessee, Chicopee, Spirit Lake, Grand Lake, Devil's Lake, Crater Lake, the Beach Lake. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare, man. I breathe the mountain air, man. Of travel I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Louisville, Nashville, Knoxville, Ombabaka, Shepherdville, Jacksonville, Waterville, Costa Rica, Pittsfield, Springfield, Bakersfield, Shreveport, Hackensack, Cadillac, Fond du Lac, Davenport, Idaho, Jellicoe, Argentina, Diamantina, Pasadena, Catalina, Sea, Guatemala. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare, man. I breathe the mountain air, man. I've traveled, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Pittsburgh, Parkersburg, Gravelburg, Colorado, Ellensburg, Rexburg, Vicksburg, Eldorado, Larimore, Atmore, Havistaw, Chattanooga, Chasta, Nebraska, Alaska, Opelika, Baraboo, Waterloo, Kalamazoo, Kansas City, Sioux City, Cedar City, Dodge City, what a pity. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare, man. I breathe the mountain air, man. Of travel, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been everywhere. Ça fait 40 nuits que je suis au Newf. Ça brille dans le noir plus fort qu'une alouf. Je me joue des pièces, des opéras bouffe, des rêves de bif, paf et de pouf. Des rêves de bif, de paf et de pouf. Vautrer sans accord et sans compagnie sur le béton gris qui me sert de lit. J'attends le sommeil pour qu'on me retrouve. Mes rêves de pif, de paf et de pouf. Mes rêves de pif, de paf et de pouf. Avec son cyclope qui part en dentelle, Ulysse dans sa grotte qui voit des merveilles. Je suis mon barreau dessous mon ombrelle. Je nage dans le bleu comme une hirondelle. Je rêve de pif, de paf, de pouf. Thank you.

débarquèrent dans la clairière et disposèrent leurs jouets de fer. L'un d'entre eux, loaded de guns, s'avance et donne le mégaphone.